Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Michel, qui nous écrit de Russie et même de Sibérie, et Annick ont donné à Franck Ferrand l'idée de notre sujet d'aujourd'hui au cœur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Annick et Michel, pour des motifs différents d'ailleurs, nous demandent d'évoquer le cas d'un bien mystérieux personnage, le comte de Saint-Germain, qui prétendait changer les pierres en diamants. Un aventurier, un collectionneur aussi, qui au XVIIIe siècle a connu son heure de gloire. Nous en parlerons avec mon invité Evelyne Levert, pour qui la cour de Louis XV n'a aucun secret. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Louis, 19 ans, il nous l'a posée via la page Facebook de l'émission. Louis voudrait connaître les origines de la hiérarchie militaire, en particulier celle de l'armée française. On va essayer de s'y repérer dans tous ces galons. Pour le moment, c'est au général, que dis-je, au maréchal des aventuriers que nous avons affaire. Monsieur le comte de Saint-Germain nous attend. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Le curieux personnage affirme qu'il s'appelle Weldon. Il vit depuis quelques années à Eckernförde, on est en Allemagne, au bord de la mer Baltique. Il dispose de tout un atelier de couleurs, dans les bâtiments d'une ancienne teinturerie de la ville. Oh, un atelier dont on ne peut pas dire que ce soit du reste un grand succès. L'instigateur de cet atelier, c'est le gouverneur du duché en personne, le prince Charles de Hesse. Ça déjà, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Nous n'avons pas affaire tout à fait à n'importe qui. Weldon, qui craint l'humidité, n'a gagné dans cet atelier de la mer Baltique que des rhumatismes, disons-le. Il faut dire qu'il n'est pas jeune, si l'on en croit certains. Il est même très, très vieux. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Finalement, il sera victime d'une attaque de paralysie. Il meurt le 27 février 1784. Les scellés sont placés sur la porte de la chambre du défunt. Le prince de Hesse procède à l'inventaire de ses biens, des papiers qui semblent dénués d'importance, des habits, enfin bon. Les funérailles sont civiles. Elles sont organisées dans un climat de relative discrétion et quand même on va découvrir assez vite qu'il n'y a pas de testament et, beaucoup plus étrange, à quelque temps de là, on va s'apercevoir que le tombeau du sieur Weldon est vide. Le dénommé Weldon est mort dans l'anonymat, vous l'avez compris, dans l'indifférence la plus totale. Et pourtant, l'homme qui vient de s'éteindre est un des personnages les plus étranges de l'histoire. Il a parcouru toute l'Europe de la seconde moitié du XVIIIe siècle sous un nom plus attrayant que Weldon, il était pour tout le monde le comte de Saint-Germain. Voilà bien un homme aux multiples visages. Alain Decaux nous le présente, j'aime beaucoup cette formule, comme philosophe, alchimiste, diplomate, joaillier, personnage mystérieux qui, nous dit-il, avait prédit à Marie-Antoinette les principaux événements de la Révolution. C'est vrai qu'il a exercé de nombreuses activités, ce personnage, pas toutes avec la même réussite. C'est aussi un homme qui a charmé, qui a su charmer les cours d'Europe par sa culture, par son éloquence, par ce qu'on appelle son entre-gens. Le berlinois Friedrich Nicolai affirme, je le cite, « Saint-Germain est considéré comme un dieu et attira l'attention des princes ainsi que d'autres personnes ne manquant pas d'esprit. » Demi-dieu pour certains, pour d'autres semi-escrocs, autant admiré que décrié, Monsieur de Saint-Germain ne va pas tarder à devoir souvent changer le nom. C'est un homme par-dessus tout énigmatique, vous l'aurez compris. Certains nous disent que c'est un mage. On ne sait pas quand il est né, ni d'où il vient. Certains ont affirmé qu'il était le fils d'un roi détrôné. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut en penser. On sait en tout cas qu'il appartenait à des sociétés secrètes. Une rumeur tenace voudrait qu'il ait vécu 1000 ans, qu'il ait accompli cet exploit grâce à un élixir de jouvence dont on n'a jamais vraiment connu la composition. On dit que cet élixir était composé d'aromates et d'or. Pour d'autres, c'est une sorte de thé de longue vie, un mélange de bois de santal, de feuilles de séné et de semences de fenouil. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, certains pensent et croient dur comme fer que le comte de Saint-Germain n'est pas mort, et cela 200 ans au moins après la rédaction de son acte de décès. « La première fois qu'on parle du comte de Saint-Germain, c'est en 1743. Cette année-là, la France refuse d'aider le fils du roi d'Angleterre détrôné Jacques II. Vous savez, le prétendant au trône qu'on appelle à Paris le chevalier de Saint-Georges. Le 15 septembre 1745, le fils de ce prétendant, Charles-Édouard, qu'on surnomme Bonnie Prince Charlie, tente de lever à son tour une armée en Écosse. Le roi d'Angleterre légitime, Georges II, qui est à Hanovre, prend des mesures draconiennes. Et à ce moment-là, tous les étrangers qui se trouvent sur le territoire doivent être traités, dit-il, comme ennemis de l'État. Bien, c'est dans ce contexte qu'on arrête un certain comte de Saint-Germain. Alors nous avons, nous, quand je dis nous, les Français, un chargé d'affaires à Londres, M. Chiquet, qui dit « Le comte fut interrogé par le secrétaire d'État, le duc de Newcastle, à qui il ne rendit pas de raison aussi satisfaisante qu'on l'aurait désiré, persistant à ne vouloir décliner son nom, ses qualités, etc., qu'au roi même. » Ça, c'est un des secrets du comte de Saint-Germain. Il a pour habitude de dire qu'il ne veut, quelle que soit la circonstance dont il est question, il ne veut s'adresser qu'au souverain en personne. Ça paraît complètement démentiel, ça paraît d'une présomption invraisemblable. Eh bien, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que globalement, ça marche et que c'est un des moyens par lesquels il va se faire connaître dans les cours d'Europe. Alors, que fait-il à Londres à l'époque ? Il fréquente le milieu musical londonien car il est compositeur, dit-il. Il fait éditer d'ailleurs des pièces de musique, on a quelques exemplaires. Il est également violoniste, une passion qu'il va conserver par la suite, puisque Madame de Genlis, dans ses mémoires, nous dit « Le comte de Saint-Germain était excellent musicien, il accompagnait de tête sur le clavecin tout ce qu'on chantait et avec une rare perfection. » Après l'Angleterre et les déboires que je vous ai décrits, le voilà qui s'en va en Allemagne, où il va demeurer 12 ans, de 1746 à 1758. Jean-Louis Bernard écrit « C'est en Allemagne, sur ces terres, qu'il poursuivit des recherches sur la chimie des colorants et vraisemblablement aussi des recherches sur le passé ésotérique de l'Allemagne. » On ne sait pas trop sur quoi il travaille, pour tout vous dire. Il n'y a pas de domaine sulfureux ou nébuleux qui soit proprement étranger au comte de Saint-Germain. Vous avez compris qu'il a quand même mis un peu la musique de côté. Il préfère mener des expériences dont on pourrait presque dire qu'avec deux ou trois siècles de retard sur la plupart de ses congénères, elles font de lui un alchimiste en plein 18e siècle. Ça aussi, ça nous interpelle et vous verrez que ça soulève des questions qui sont plus intéressantes que ça n'en a l'air a priori. Alors, durant toute cette période, il est très discret. Il prépare son arrivée en France, bien entendu. Et le voilà, le comte de Saint-Germain, en France, à Paris, en 1758. Et alors, une fois de plus, il nous surprend. Il ne s'installe pas du tout chez n'importe qui. Figurez-vous qu'il vit chez le maréchal de Belle-Île, qui à l'époque est ministre de la guerre. Il a connu Belle-Île quelques années plus tôt à Londres, justement. Dans leur ouvrage « L'énigmatique comte de Saint-Germain », Pierre Seria et François Etouin nous disent qu'il avait une drôle d'habitude et que notamment à l'époque où il vit chez Belle-Île, Roger, son valet de chambre, dépose devant lui tous les jours une théière et une timbale d'argent. Ah ah, alors vous vous doutez bien que le comte de Saint-Germain fait ça lorsqu'il a un petit public, évidemment, ça flatte sans doute un peu son ego. Il sort de la poche de son gilet un flacon plat en or au bouchon d'émeraude. Il l'ouvrait délicatement, nous disent les auteurs, puis comptait soigneusement 7 gouttes d'un liquide huileux qu'il laissait tomber au fond de la timbale. Pour le thaumaturge, c'est-à-dire pour le magicien, les 5 premières gouttes représentaient le pentagramme, c'est-à-dire la tête, les bras et les jambes d'un être humain, mais aussi l'homme et les 4 éléments, eau, terre, feu, air. Et quant aux 2 dernières, elles concernaient l'élément mâle et l'élément femelle, indispensable à tout acte de magie. Oh, on est dans quelque chose d'assez ésotérique. Évidemment, il a l'art de faire parler de lui, Saint-Germain. Ce thé serait un mélange de bois de santal, de feuilles de séné, je vous l'ai dit, de semences de fenouil, tout ça macéré pendant 24 heures dans 2 litres d'esprit de vin et servi donc à heure fixe pour donner à celui qui l'absorbe la vie éternelle. C'est en tout cas ce qui se répète dans Paris. Alors, au cours d'une conversation avec le maréchal de Belle-Île, qui donc à Paris est son ami et son hôte, le comte affirme travailler sur de nouveaux procédés de teinture des soies qui pourraient intéresser les manufactures françaises. C'est extrêmement intelligent de sa part. Il faut bien comprendre qu'on est à une époque où les grandes manufactures royales essaient de damer le pion à leurs concurrentes européennes, mais aussi aux importations massives qui arrivent d'Orient à l'époque et qu'on essaie par tous les moyens de trouver justement de nouveaux procédés, de nouvelles Songez, entre autres, hein, à Oberkampf et à sa toile de Jouy, etc. Là, j'avance de 10 ou 15 ans sur l'époque. Mais en tout cas, on est vraiment à une époque où toutes ces questions de procédés industriels ou pré-industriels sont au premier rang des préoccupations des gouvernants. Or, notre homme, notre Saint-Germain, se dit prêt à offrir ses découvertes à la France. Il demande un endroit pour loger ses ouvriers, ses bacs de teinture, des espaces verts pour y planter les arbres nécessaires à la fabrication des colorants, voyez bien. Bref, il veut qu'on mette à sa disposition une des nombreuses demeures du domaine royal. Le maréchal de Belle-Île lui conseille d'écrire au marquis de Marigny, qui est surintendant des Beaux-Arts, qui se trouve être le frère de Madame de Pompadour. On connaît les relations très étroites de Belle-Île avec Madame de Pompadour. J'ai envie de dire, il est bien tombé, Saint-Germain. Il est déjà au cœur du petit club. Le marquis de Marigny ne va pas se faire prier tellement. Il accepte et il met à disposition de notre homme, tenez-vous bien, des dépendances. On ne donne pas non plus les appartements royaux, n'exagérons rien, mais quand même des dépendances du château de Chambord. En fait, Saint-Germain n'ira à Chambord que deux ou trois fois. Sa fabrique de couleurs ne s'installe pas véritablement dans le château royal. Surtout, il n'arrive pas à recevoir tout le matériel requis d'Allemagne à cause de la guerre de 7 ans. Et oui, 58-59, on est en plein dans cette guerre de 7 ans qui a été déclenchée en 1756. Que fait-il, Belle-Île ? Puisqu'il ne s'installe pas à Chambord, il reste à Paris, ou mieux ? Grâce à Belle-Île, il va maintenant entrer carrément au château de Versailles. Comte de Saint-Germain est présenté à Madame de Pompadour. Il l'éblouit littéralement par cet entre-gens, par cette profondeur, par cette connaissance invraisemblable qu'il peut avoir de l'histoire. Alors, on ne sait pas trop quel âge il a. On dit qu'il s'agit d'un vieillard qui serait même beaucoup, beaucoup plus âgé qu'on ne pense. Si l'on en croit Madame du Hausset, qui était une des dames de Madame de Pompadour et qui a écrit ses mémoires, Madame du Hausset nous dit que un jour, la marquise lui dit « Mais enfin, vous ne dites pas votre âge et vous ne vous donnez pour fort vieux. La comtesse de Serre qui était il y a 50 ans, je crois, ambassadrice à Venise, dit y avoir connu un homme tel que vous êtes aujourd'hui. » Et il répond « Il est vrai, madame, que j'ai connu il y a bien longtemps Madame de Sergy. » « Mais suivant ce qu'elle dit, insiste Madame de Pompadour, vous auriez plus de 100 ans à présent. » « Ah, cela n'est pas impossible, dit le comte de Saint-Germain, mais je conviens qu'il est encore plus possible que cette dame, que je respecte par ailleurs, radote un peu. » « Vous lui avez donné, dit-elle, un élixir surprenant par ses effets. Pourquoi n'en donneriez-vous pas au roi ?»« Oh, madame, dit Saint-Germain, que je m'avise de donner au roi une drogue inconnue, il faudrait que je fusse fou. » Et vous voyez le secret, finalement, de ce comte de Saint-Germain, c'est qu'il mélange constamment les délires les plus fantasques, les sous-entendus les plus aberrants, avec un fond d'honnêteté, de droiture, en quelque sorte de confiance qui, bien sûr, va lui permettre d'aller très loin dans ces cercles très, très élevés. Alors, bien sûr, Madame de Pompadour ne résiste pas longtemps. Au bout de quelques semaines, elle présente Monsieur de Saint-Germain au roi et il a l'heure de plaire à Louis XV. Ça, c'est sa chance, en quelque sorte. Louis XV, vous savez que cette personne qu'il faut constamment distraire, qui s'ennuie très volontiers, trouve Saint-Germain très amusant, surtout lorsque le comte se met à parler de François Ier. « Oh, il était très aimable, dit-il. On ne sait jamais s'il en parle d'après les livres ou d'après la connaissance qu'il en aurait lui-même. Quel dommage qu'il ait été aussi ardent. Je lui aurais volontiers donné des conseils pour le préserver de ses malheurs, mais il ne les aurait pas suivis, car il semble qu'il y ait une fatalité pour les princes qui ferment leurs oreilles, c'est-à-dire leur esprit, aux meilleurs avis, surtout dans les moments critiques. » Là encore, vous voyez l'habileté. N'importe qui, et moi le premier tous les jours à ce micro, je pourrais parler en employer exactement les mêmes termes sans passer pour fou. Et en même temps, Monsieur de Saint-Germain laisse croire qu'il pourrait avoir plus de 100 ans. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie du comte de Saint-Germain. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie du comte de Saint-Germain. Madame Durfé, dans ses mémoires, elle a rencontré le comte de Saint-Germain dans un dîner justement au moment de son arrivée à Paris. Elle dit « Il est vrai qu'il était difficile de parler mieux que lui. Il avait un ton décisif, mais d'une nature si étudiée qu'il ne déplaisait pas. Il était savant, parlait parfaitement la plupart des langues, grand musicien par ailleurs, grand chimiste et d'une figure fort agréable. Ça compte, bien entendu, sa présentation est toujours magnifique. Et alors, il a surtout cette chose un peu étonnante, il a comme bouton et comme boucle à ses souliers des diamants d'une grosseur extraordinaire. Et vous imaginez bien qu'à la cour, ça fait partie des choses qu'on remarque. On se pose des questions, d'où viennent ces pierres tellement étonnantes, au point que Louis XV, qu'on va finir par trouver crédule dans cette affaire, Louis XV aurait confié quelques diamants impurs à Monsieur de Saint-Germain, qui quelques semaines plus tard serait revenu avec des diamants de la plus belle eau, d'une pureté absolument superbe, ce qui aurait bien sûr impressionné le monarque. On sait que le personnage est très riche. Il habite maintenant à Paris dans l'hôtel de la veuve de son banquier. Il possède tableaux de maître, des pierreries, je vous l'ai dit, des diamants, toutes sortes d'objets d'art extrêmement raffinés. Il collectionne le cristal de roche, notamment il a des objets de ce point de vue qui sont parmi les plus beaux d'Europe. Le baron de Gleichen, qui est un de ses visiteurs, dit « Je crus voir les trésors de la lampe merveilleuse. Il y avait entre autres une opale d'une grosseur monstrueuse et un saphir blanc de la taille d'un œuf qui effaçait par son éclat celui de toutes les pierres de comparaison que je pus mettre à côté de lui. » C'est assez étonnant parce que là encore, ça nous informe, ça nous apprend bien des choses sur l'état d'esprit de cette société parisienne et Versaillaise du milieu du règne de Louis XV. Les gens qui sont là veulent s'abuser eux-mêmes. Ils s'amusent en quelque sorte avec le comte de Saint-Germain. Ils sont ravis d'avoir sous la dent, si je puis dire, ou en tout cas sous les yeux, un personnage totalement hors norme et qui puisse leur inspirer de beaux récits. Alors on en rajoute, chacun rajoute sa petite touche et finalement, autour de Saint-Germain se fabrique une réputation dont on peut presque dire qu'il est lui-même quasiment étranger. Évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde. Le charme de l'étrange personnage n'opère pas sur tout un chacun. Il suscite du reste des jalousies. Il va être un jour invité comme ça par une jeune femme qui lorgne en vérité sur ses diamants et qui va essayer de l'empoisonner. Alors ça augmente d'autant la rumeur. On se moque aussi de lui. Un certain comte d'Albaret engage un des hommes de sa troupe de comédiens qui s'appelle Gauve et qui se trouve ressembler beaucoup à Saint-Germain. Alors on s'arrange pour lui mettre exactement la même perruque, on le maquille comme Saint-Germain lui-même qui se présente partout très fardé et Gauve va se promener comme s'il était lui-même Saint-Germain à travers les salons de la capitale en disant « Mais vous savez, j'ai bien connu Jésus-Christ et voilà ce que Jésus m'a dit, etc. » Histoire de le faire passer pour fou, bien entendu. Le principal ennemi du comte, c'est le grand ministre de Louis XV, grand ministre de l'époque, le duc de Choiseul, qui se méfie beaucoup de celui qui est devenu quasiment un favori de Louis XV. Choiseul est ministre des Affaires étrangères depuis le 3 décembre 1758. Il demande une enquête pour connaître notamment l'origine des fonds dont Monsieur de Saint-Germain paraît pouvoir user à profusion. Le 14 février 1760, le comte de Saint-Germain part pour la Hollande. Il est chargé d'une commission importante pour les finances de la France. En fait, ça, ce n'est qu'un prétexte, parce qu'en vérité, le roi Louis XV, fidèle à sa bonne ou mauvaise habitude de mener partout une diplomatie secrète, l'a envoyé comme agent personnel. Il est là pour négocier une paix, pour essayer de mettre un terme à cette fameuse guerre qui deviendra la guerre de 7 ans. Pourquoi Louis XV a-t-il choisi le comte de Saint-Germain? Eh bien, visiblement, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il est peu connu, parce qu'il a aussi, en Hollande, des amis très influents. Il est extraordinaire, notre personnage, il a des amis partout. Là, ça commence véritablement à empiéter sur les plates-bandes de Monsieur de Choiseul, bien entendu. Le médecin, puis l'alchimiste qui prétend détenir l'élixir de Jouvence, vous voyez que désormais, il se fait diplomate et qu'il voudrait presque compter dans le concert des grands de ce monde. Ça devient vraiment un problème pour Choiseul, qui va finalement ordonner son arrestation. On l'accuse d'être en intelligence avec des puissances ennemies. À ce moment-là, Germain, qui quand même, comme par hasard, a été informé la veille au soir, s'enfuit en Angleterre. Il reviendra quelques semaines plus tard en Hollande. Mais, disons-le, il tombe bien vite en disgrâce. Louis XV avait horreur d'une chose, par-dessus tout, c'était le scandale. Or, cet homme était en train de devenir tout simplement un objet de scandale. Le 12 janvier 1761, on peut lire dans la Gazette des Pays-Bas « Le soi-disant comte de Saint-Germain, cet homme indéchiffrable dont on ne sait au juste ni le nom, ni l'origine, ni l'état, qui a des revenus sans qu'on sache d'où ils proviennent, des connaissances sans qu'on sache où il les a acquises, des entrées dans les cabinets de princes sans qu'aucun l'avoue ou le réclame, cet homme venu sur terre sans qu'on devine par où, est actuellement ici, c'est-à-dire à La Haye, ne sachant où poser pied et comme exilé de tous les pays. » Il achète assez vite une propriété près de la frontière allemande et il va reprendre tranquillement, si je puis dire, ses recherches sur les colorants. Tout de même, en 1762, on le retrouve en Russie, à la cour de Saint-Pétersbourg, et une autre légende sur laquelle on va, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, écrire d'ailleurs plusieurs livres, voudrait faire de lui un de ceux qui ont facilité l'accession de Catherine, de la grande Catherine, au pouvoir. Il aurait été à l'origine de la fameuse révolution. En fait, il semble bien, nous disent les historiens d'aujourd'hui, qu'il y ait eu confusion sur le terme de Saint-Germain et que le Saint-Germain dont on parle était en fait le ministre français et non pas ce comte de Saint-Germain-là. Et c'est vrai que le ministre a joué un rôle, même indirect et un peu lointain, mais il a joué un rôle dans l'arrivée, dans l'avènement de la prise de pouvoir, on pourrait dire, de Catherine de Russie, de Catherine II. Notre Saint-Germain à nous, notre comte, bah vous savez ce qu'il va devenir? Il va devenir teinturier là-haut, sur la mer Baltique. Au cœur de l'histoire s'intéresse aujourd'hui au comte de Saint-Germain. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Evelyne Levert, historienne, auteure du Crépuscule des Rois, chronique 1757-1789 aux éditions Fayard. Bonjour Evelyne Levert. Bonjour Franck Ferrand. Nous parlons d'un bien étrange personnage aujourd'hui en votre compagnie, mais comme la cour de Louis XV, on peut dire que vous êtes chez vous, à Versailles, chez Louis XV, vous allez nous en dire un peu plus sur ce personnage. Alors on a dit qu'il avait été non seulement dans tous les pays que j'ai dit, mais qu'il avait même été en Inde. Il y a toute une théorie, alors je ne vais pas développer, mais qui explique qu'il serait parti au tout début du règne à l'époque du règne de Louis XVI, il serait parti en Inde où il aurait fait des rencontres encore plus extraordinaires qu'ailleurs. Il ne prend le nom de Weldon, qui est celui sous lequel il mourra, qu'en 1776, alors il s'est d'abord installé à Leipzig, et puis là, on découvre, parce que évidemment, il suscite une curiosité incroyable, on découvre qu'il serait le fils naturel du prince Radzkowski de Transylvanie, ce qui expliquerait peut-être son élégance, son éducation et la source de ses revenus considérables. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas exagérer l'importance de ce personnage qui est un de ces aventuriers qui ont parcouru l'Europe et qui ont fait beaucoup parler d'eux. On a en réalité très peu de sources sur ce comte de Saint-Germain qui n'a pas réellement joué de rôle diplomatique et qui n'a pas abusé Louis XV. Qui n'a abusé personne. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de Madame de Pompadour qui l'a reçu. Elle l'a reçu parce qu'il fallait distraire. Il l'amusait. Et d'ailleurs, il lui a bien dit « Je sais à qui je m'adresse et il est bien évident qu'à vous, je ne raconterai pas que j'ai 200 ans, que j'ai 1000 ans. » Donc, tous ces personnages, il n'y a pas que lui. Et il a rencontré aussi un grand aventurier beaucoup plus sympathique qui est Casanova. Et Casanova, qui était aussi quelqu'un qui avait parcouru l'Europe et qui vivait de ses dupes, comme Saint-Germain. Et Casanova a dit qu'il avait été fasciné par ce personnage et que les imposteurs entre eux se flairent extrêmement bien et que Casanova a été impressionné parce qu'il était encore plus fort que lui dans l'imposture. Alors, il ne faut pas exagérer le rôle qu'il a pu tenir parce que vous savez, il y a eu toute une légende. Et ensuite, il y a la légende de l'époque. Il n'y a pas tellement des mémorialistes qui parlent de lui. Madame Duhausset ne dit pas grand-chose sur lui. Gleschen, parle évidemment de ses pseudo-collections, mais sur le moment, on en parle très peu. Ce qui est intéressant avec Madame Duhausset, c'est qu'elle décrit des conversations, elle rapporte des conversations. On peut imaginer, ou alors cette dame faisait preuve d'une grande imagination, ce qui est possible, mais on peut imaginer que les conversations ont été prises quasiment sur le vif, parce qu'elles sont très précises, et donc, on voit tout de même, il y a deux choses, ça nous informe sur deux aspects du personnage. D'une part, il faut évidemment faire la part de l'élégance versaillaise, mais tout de même, la très grande réputation du personnage. On s'adresse à lui avec une espèce de déférence. Madame du Haussay, en tout cas, nous montre Louis XV lui parler sur un ton presque comme il parlerait à un cardinal ou à un prince étranger. Ça, c'est assez. Madame du Haussay a eu les mémoires de Madame du Haussay ont été revues par un teinturier. Et... oui, puisqu'on parle. Comme ça, de ceux qui ont publié les mémoires. Et je pense que ça ne se passait pas. Mais de toute façon, il est dans l'intimité du roi en tant qu'amuseur. Oui, oui, et sûr. D'ailleurs, Choiseul, comme vous l'avez dit, Choiseul qui est quand même le principal ministre à l'époque, Choiseul ne le prend pas au sérieux. Et même il y a un jour un épisode où Madame de Choiseul, qui est une petite personne absolument délicieuse, qui est impressionnée, elle, par Saint-Germain et qui veut garder sa jeunesse, sa fraîcheur, elle essaye d'adopter le régime prescrit par Saint-Germain et Choiseul s'énerve publiquement et il dit à son épouse « Mais écoutez, madame, Saint-Germain est un aventurier et je vous interdis d'épouser ses préceptes. » Un côté très rationaliste toujours, très, hein, c'est Choiseul. Très rationaliste, ouais. mais Saint-Germain fait partie, je le disais tout à l'heure, de ces aventuriers qui, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Oui, on va en parler, bien sûr. Celui-là est le plus célèbre avec Cagliostro et il parcourent l'Europe et ils vivent de leur dupe. Et ils obtiennent quantité de choses, car comme vous avez cité tout à l'heure Alain Decaux, tous ces gens-là sont à la fois alchimistes, séducteurs, joailliers, médecins, guérisseurs. Mais ce n'est pas un hasard. Mais ce n'est pas un hasard. Alchimistes parce qu'ils sont supposés transformer le plomb en or et les mauvaises pierrailles en superbes joyaux. Oui, enfin ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Oui. Évidemment, ils sont supposés être un peu médecins et guérisseurs parce qu'ils ont l'élixir de longue vie et ça, c'est ce qui fascine le plus, évidemment, la haute société qui veut. Mais je pense qu'ils auraient le même succès en 2014 qu'à l'époque, du reste. Il y a un point commun. Il y a des aventuriers. Ils ont chacun leurs aspects suivant les siècles. Et bien entendu. Et alors, ils sont magnétiseurs. Je pense qu'il y a quelque chose. Ils sont médiums et magnétiseurs. Sinon, ça ne marcherait pas. Et ils s'imposent partout. Il y en a au petit pied. Et puis, il y a ceux qui vraiment ont laissé une trace dans l'histoire. On parle depuis quelques années, on parle des mentalistes. D'ailleurs, on fait des émissions de télévision. Je pense que ce genre d'aventurier, c'était les ancêtres des mentalistes d'aujourd'hui. C'est certain. Ils ont une force magnétique. D'ailleurs, quand ils soignent, et ils soignent, c'est Casanova qui soigne. Non, c'est lui qui soigne d'une sciatique, je ne sais plus quel grand personnage. Bon, ben, il impose les mains, il fait des massages. Bon, il a quelque chose. Il y a des magnétiseurs, ça existe même de notre temps. Et alors, il y a ceux qui sont aujourd'hui complètement accros aux magnétiseurs et à cela. Eh bien là, à l'époque, c'est le même phénomène qui se reproduit. Mais comment expliquer que ce monsieur se retrouve à Londres, à La Haye, à Paris, à Koblenz, à Saint-Pétersbourg? Il est toujours dans les plus belles cours d'Europe. Il y est reçu, il y a quasiment table ouverte. Ça dure généralement entre 18 mois et 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, évidemment, il disparaît parce que on se lasse de lui, c'est non, ça c'est pas, on se lasse pas de lui, mais on se rend compte que c'est un escroc. C'est ça. Que c'est un escroc. Et il y a toujours des indélicatesses plus énormes. Et à ce moment-là, ils disparaissent, ils changent de nom. D'ailleurs, vous avez bien dit Saint-Germain ici, Weldon ailleurs. Et entre-temps, il a plusieurs autres pseudonymes. Ça sera le cas de Cagliostro. Alors, ils ont des relations. Ce sont des hommes qui, au début, qui ont une grande éducation, c'est certain, et qui rompent les amarres avec leur milieu d'origine et qui veulent vivre de l'aventure et qui veulent vivre de leur dupe. Il ne faut pas qu'ils s'ennuient. Et pour ne pas s'ennuyer, ils n'ennuient pas non plus les autres. Et alors, ils inventent n'importe quoi. Ils racontent ce qu'ils ont vu dans un pays, dans un autre. Comme il a une grande connaissance historique, il prétend, il a des scènes qui sont tout à fait dans sa tête. Oui, par exemple, il fait de l'évocation historique, ce qu'on fait ici tous les jours, sauf que lui, il en tire une sorte de charme sulfureux. Oui, voilà. C'est ça, il dit qu'il y était, que François Ier lui aurait dit que... Alors, il laisse entendre. Alors, ça dépend à qui il s'adresse, parce qu'ils sont très, très, très psychologues, et ils voient très bien à qui ils peuvent faire croire des choses énormes. Alors, ou moins énormes. Mais ils arrivent à fasciner leur interlocuteur, même si leur interlocuteur est un grand de ce monde, il le fascine en ayant toujours une anecdote qui peut les exciter, et il leur propose toujours une solution. Alors lui, c'est la teinturerie. Oui, ça marchera pas. Il teint les bois, il teint les métaux, dit-il. Mais enfin, ce sont des phénomènes théâtraux qui passent et qui séduisent, qui amusent. Et puis, mais attention, il y a un côté baratineur, disons les choses. Ce sont des baratineurs extraordinaires, mais qui commettent des escroqueries. Et c'est à partir du moment où il y a une escroquerie qui va être découverte, quand Choiseul fait une enquête sur sa richesse. Il disparaît immédiatement. Alors vous ne semblez pas croire à la possibilité qu'il ait, parce que ça, effectivement, on n'a quasiment pas d'archives, qu'il ait fait partie du secret du roi, que Louis XV lui ait confié une mission. Non, des petites missions, des missionnettes. Très ponctuelles. Très ponctuelles, non. Louis XV avait évidemment des agents partout, mais parmi ces agents, il y avait de grands diplomates. Oui, et il y en a un qui peut passer pour un aventurier, c'est le chevalier Déon. Mais le chevalier Déon, c'est... Alors là, on a tous ces rapports. Et puis, il y aura Beaumarchais. Il y aura Beaumarchais, oui. Mais alors là, attention, ce sont des petites missions. Mais Déon, lui, accomplit une œuvre diplomatique à côté d'un ambassadeur. Et après, je dirais que, excusez-moi, il va péter les plombs. Ça sera toute l'aventure, parce qu'on ne parlera plus de lui à partir du moment où il sera en Angleterre. Entre nous, soit dit, il y en a un qui va utiliser le comte de Saint-Germain. C'est le seul, à ma connaissance, qui va en tirer profit. Il est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, il faudra qu'on lui consacre, si vous êtes d'accord, Evelyne Levert, une émission un de ces jours. C'est Frédéric II de Prusse, le roi Frédéric, qui ne croit visiblement pas du tout à ces balivernes, mais en revanche est très intéressé par ces échantillons de teinturerie, etc. Et va non seulement les développer, mais les commercialiser, etc. Et va créer une manufacture à partir des secrets que lui révèle Saint-Germain. Je pense qu'il y avait d'autres ingénieurs chimistes, si on peut dire, à côté de Saint-Germain. Mais c'est toujours amusant de voir que Frédéric II est celui qui, dans l'affaire, en quelque sorte, tire son épingle du jeu. Les autres, non. Les autres se sont amusés. Louis XV s'est amusé. Point à la ligne. Alors, point à la ligne. Juste un détail, et puis ensuite nous allons parler d'autres aventuriers de cette époque extraordinaire où il fallait amuser les grands de ce monde. Mais c'est oui, aussi ça l'histoire. Vous savez, l'ennui plane toujours sur les princes. Sûr. L'ennui plane dans un certain nombre de sociétés oisives. Il faut trouver des nouveautés, il faut rebondir, il faut donner du sel à la vie. Mais pour clore le chapitre du comte de Saint-Germain, ce qui est très étonnant, c'est qu'au XIXe siècle, et puis ensuite, alors évidemment, un peu au XXe, et j'ai envie de dire qu'évidemment, au 21e, je fais partie de ceux qui continuent de lui donner un certain écho. On s'est beaucoup intéressé à son cas et on a voulu alors, de ce qui n'était effectivement qu'un amusement mondain, faire un véritable phénomène, y compris littéraire du reste. Il y a eu des livres entiers écrits sur le bonhomme. Mais oui, justement. Et alors là, la légende n'a fait que s'amplifier. Voilà. C'est certain. Et ça excite toujours... Surtout lorsque ces personnes parlent d'un passé où ils prétendent avoir vécu et ils prédisent aussi l'avenir. Mettez-vous à faire les cartes à quelqu'un dans un salon, vous verrez, vous aurez un succès fou et vous allez tout de suite passer pour quelqu'un d'inspiré pour dire l'avenir. Finalement, Monsieur de Saint-Germain ne possédait sûrement pas le secret de la pierre philosophale, mais alors il avait sur le bout des doigts le secret de la mondanité. Cet après-midi, dans Au cœur de l'histoire, nous parlons du comte de Saint-Germain avec vous, Franck Ferrand, et vos invités, Evelyne Levert, historienne, auteure du Crépuscule des Rois, chronique 1757-1789 aux éditions Fayard, et Maxime Charron, jeune antiquaire spécialisant en souvenirs historiques. Vous avez, Evelyne Levert, rangé plus ou moins Monsieur de Casanova dans la liste des aventuriers tout à l'heure. Mais oui, Casanova est un aventurier. Alors, un aventurier qui paraît très sympathique. Et justement, quand on lit l'histoire de ma vie, qu'il a écrite à la fin de son existence, ce sont ses mémoires. Nous avons maintenant le manuscrit, n'est-ce on pas On a le manuscrit et on se rend compte justement que lui, il vit au milieu des aventuriers. Il le dit lui-même qu'il est un aventurier. C'est-à-dire, alors lui, il est issu d'un milieu d'artiste. Et Casanova a rompu lui aussi les amarres avec son milieu et il veut vivre. Alors lui, ce n'est pas le cas de Saint-Germain. Lui, il fait la conquête de femmes. Enfin, ces histoires amoureuses sont évidemment extrêmement célèbres, mais il arrive lui aussi, par son entre-gens et par sa culture énorme, à se mouvoir dans les milieux les plus élevés de toute l'Europe. Et on va le voir arriver, lui aussi, eh bien, dans les milieux aristocratiques français. Il fréquente les cours où il raconte, alors lui, il a un autre secret. Il ne raconte pas qu'il vit depuis des siècles, lui. Non. Il raconte son évasion de la prison des plombs de Venise. Mais ça, c'est la vérité. Oui, c'est ça, la vérité. Alors, parce que à Venise, il a mené fort joyeuse vie. Il a été plus ou moins agent secret de l'Autriche. Il était très lié avec l'ambassadeur de France qui était le cardinal de Bernice. Excusez-moi pour ce que je vais dire, ils ont partousé avec des religieuses à Venise. Mais il est arrêté non pas pour des affaires de mœurs, mais il est arrêté parce que à Venise, on estime que c'est un agent secret de l'Autriche. Et il est enfermé dans cette prison des plombs dont il arrive à s'évader, ce qui est absolument incroyable. C'est un exploit. Et cet exploit, il va le raconter, ça va lui servir de sésame, en fait. Ça lui sert de sésame. Et puis, il arrive à Paris, où le cardinal de Bernice est un ministre important de Louis XV. Alors là, ce sont deux vieux complices. Et il dit à Bernice qu'il voudrait bien vivre à Paris. Et Bernice lui donne de l'argent et Bernice lui fait rencontrer le banquier de la cour, Paris Duvernay, lequel Paris Duvernay a besoin d'argent pour les travaux de l'école militaire. Et à ce moment-là, Casanova lui dit « Eh bien, j'ai la solution pour vous » et lui propose un loto qui permettra de financer l'école militaire. Alors, il passe pour... C'est le début de notre loterie nationale. Hein. C'est le début. Enfin, les loteries, il y en avait déjà eu, mais oui. Elle était plus aristocratique, elle est ouverte elle à est tout ouverte, le monde. C'est formidable. Et à ce moment-là, eh bien, il obtient de Paris Duvernay un certain nombre d'avantages financiers et il s'introduit dans la meilleure société. Alors, il connaît, mais pas uniquement la meilleure société, il connaît aussi le monde du théâtre. Il connaît les philosophes, il se fait donner des leçons de français par Crébillon, et puis il s'introduit en particulier chez une marquise qui est complètement folle d'ésotérisme, qui est la marquise d'Urfé. Et alors là, bon, alors en bonne aventurier... C'est là qu'il rencontre Saint-Germain, lui. C'est là qu'il rencontre Saint-Germain, et Madame d'Urfé l'entretient, et il lui dit qu'il a le moyen de lui faire avoir la jeunesse éternelle. Alors la marquise d'Urfé est une femme qui a des quantités de manuscrits ésotériques. La marquise d'Urfé est complètement... Elle a un laboratoire. Elle a un laboratoire. Elle pense qu'elle parle qu'elle communique avec les esprits. Alors Casanova, qui a eu des lectures énormes, il a une culture fantastique, lui aussi il connaît les textes ésotériques, alors il discute avec cette marquise d'Urfé qui s'éprend de lui, mais elle s'éprend de lui en tout bien, tout honneur, sauf pour ses finances. Et alors Casanova lui dit qu'il va lui faire entrer son âme dans l'âme dans le corps d'un jeune homme et que ça lui permettra d'avoir l'éternelle jeunesse. Enfin, c'est une escroquerie absolument monumentale. Alors là, il rencontre Saint-Germain parce que la marquise reçoit aussi Saint-Germain. C'est là que les deux imposteurs se rencontrent. Ils se flairent l'un et l'autre. Et Casanova dit à la marquise d'Urfé, je ne veux plus voir en même chez vous Saint-Germain parce que madame c'est trop d'un. Deux aventuriers dans la même pièce, c'est trop. Ce n'est pas possible. Enfin, l'entourage de la marquise finit par comprendre et c'est à ce moment-là que Casanova prend la poudre d'escampette et il va aller dans toutes les cours d'Europe mais il vit aussi dans d'autres milieux que dans le milieu des cours. Certes. Vous savez, il est dans tous les milieux, c'est ce qu'il y a de si absolument passionnant dans ses mémoires. Oui. Si dans cette maison même, à Europe 1, il y a 40 ans de ça, on voyait de temps en temps un comte de Saint-Germain, figurez-vous, qui était, vous savez, très proche de Dalida, la chanteuse Dalida, et certains, ça continuait, certains disaient, mais vous savez, c'est le comte de Saint-Germain du temps de Louis XV, etc. Il y a des imposteurs d'ailleurs à toutes les époques. C'est assez extraordinaire. Alors, le maître de tous, celui qui vous est cher, plus particulièrement, enfin, parce que, cher, parce non, attendez. Qui vous intéresse plus particulièrement parce qu'il a participé à la fameuse affaire du collier, c'est Cagliostro, bien entendu. Oui, alors lui, il a trouvé sa dupe en la personne du cardinal de Rohan. Alors lui, à la différence des autres, ce n'est pas il n'est pas beau, il a l'air d'un personnage de comédie, mais alors, il a un magnétisme extraordinaire, et il est allé en Russie, il est allé en Allemagne, il est allé à Vienne, et partout il a été chassé comme un imposteur, et il s'installe à Strasbourg, où le cardinal de Rohan s'ennuie, et à Strasbourg, il fait œuvre de médecin. Il soigne les pauvres d'une façon extraordinaire. Alors, il y a des guérisons, évidemment. Vous savez, la médecine est quand même très balbutiante. Les médecins strasbourgeois sont furieux. Et puis, le cardinal de Rome, enfin, qui est-ce ? Je voudrais le rencontrer, qu'il vienne. Et il dit non, moi, que le cardinal vienne à moi, parce que, eh bien, s'il est malade, je le soignerai, mais il n'a qu'à venir me voir. Et Rohan, il va, et il est fasciné par cet homme qui l'a littéralement ensorcelé. Et alors, ça va avoir des conséquences lointaines. Ah oui, et parce grave, qu'il là, va être oui. mêlé à cette affaire du collier. Et Rohan le prend au sérieux. Rohan est complètement coiffé par l'abbé Georgel, qui est l'abbé qui est au service de Rohan. L'abbé Georgel parle de liaison. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une liaison physique, mais il s'agit d'une liaison entre le cardinal. Il va devenir en somme son gourou. Tous ces personnages, il ne faut pas l'oublier, appartiennent à des sociétés secrètes. On va bientôt, dans quelques jours, faire une émission sur les Illuminati. Oui. Ils sont francs-maçons, en tout cas, ça c'est oui, sûr. Ils sont francs-maçons. Bon, alors évidemment, le fait d'être franc-maçon, il y a des loges dans toute l'Europe. Et à être dans une loge, on peut être admis dans une autre loge à l'étranger. Mais Cagliostro, qui est enfin lui véritablement le super imposteur, il prétend qu'il est né sur les bords de la mer Rouge, qu'il a vécu à l'ombre des pyramides, qu'il a été recueilli par un sage qui lui a donné tous les secrets des anciens Égyptiens. Égypte, oui. Et alors il fonde lui des loges égyptiennes. Alors il essaye d'en fonder. Alors plus ou moins il est poursuivi pour ça. Enfin, il est assez extraordinaire. Il va beaucoup plus loin que Saint-Germain ou que Casanova, qui n'est qu'un passant. Ce que tout ça nous prouve, c'est qu'on a un peu oublié l'incroyable bouillonnement de l'Europe de cette époque. La richesse d'abord de tous ces grands personnages. Je ne parle pas là des aventuriers, mais de ceux qui les hébergent chez eux, qui les reçoivent à dîner ou à souper. On a oublié le faste, en quelque sorte. Là. On était dans une sociabilité qui n'a plus rien à voir avec la nôtre, évidemment, on est très loin. Et pensons qu'en Allemagne, vous avez 300 princes qui sont des princes souverains. Alors, toutes ces petites cours allemandes, on peut faire des quantités de choses et là, on trouve des dupes. Cette société, on la retrouve évidemment dans votre ouvrage, Evelyne Le Ver, Le Crépuscule des Rois, chronique de 1757 à 1789. C'est publié chez Fayard. Merci beaucoup. Parlons de belles choses, de joyaux, de trésors dans cette émission. Vous savez que c'est demain l'ouverture de la Biennale des Antiquaires dans la nef du Grand Palais. Comme tous les deux ans, on va pouvoir admirer ce que les siècles passés nous ont laissé de plus somptueux, de plus raffiné, y compris dans la haute joaillerie d'ailleurs, qui fait partie évidemment de ce qui est exposé dans cette merveilleuse Biennale. En marge de la prestigieuse manifestation, va se tenir à l'Espace Cardin à Paris un salon de jeunes antiquaires, tout un lot de jeunes gens qui aiment entre autres le XVIIIe siècle et qui se sont réunis en association. J'ai demandé à leur porte-parole d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maxime Charron. Bonjour Franck Ferrand. Comment devient-on antiquaire quand on est tout jeune comme vous? On a toujours l'impression que les antiquaires c'est quand même pour des gens plus racis si je puis dire. En effet, bien qu'il n'y ait pas de fils d'antiquaire à ma connaissance, nous sommes tous des amoureux de l'histoire et des objets et avons tous le goût de la collection. C'est quasiment une maladie puisque ça nous est venu depuis très longtemps. Après, on a créé cette association cette année. Et on voulait montrer que l'art ancien avait aussi une nouvelle génération et qu'à côté de la Biennale, on pouvait faire un salon de qualité. On n'envisage pas de rivaliser avec la Biennale, mais au moins on a le mérite d'exister. Moi, je trouve que c'est voilà le genre d'initiative qui me plaît beaucoup, des jeunes antiquaires. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'association ? Nous sommes 22 exposants. 22. Et donc, ça se tient du 13 au 15 septembre à l'espace Pierre Cardin, l'entrée est libre. Donc, on espère vous y retrouver, Franck Ferrand. Mais pourquoi pas? Je vais y passer sur le chemin de la Biennale. Qu'est-ce que vous exposez? Vous avez des objets qui rappelleraient un certain nombre de nos personnages d'aujourd'hui? Oui, alors, bien que je ne sois pas le comte de Saint-Germain ni sa réincarnation, pour ma part, je suis spécialisé en souvenirs historiques, donc j'ai. Notamment des pierres dures qui ont appartenu à des grands personnages comme un reliquaire ou un cristal de roche, puisqu'on en parlait, aux armes de Philippe III d'Espagne. J'ai aussi ça c'est début 17e, tout début 17e. Début 17e, j'ai des armes, on parlait de la Pompadour, des ouvrages aux armes de la Pompadour, qui proviennent de sa bibliothèque. Avec la tour donc, la tour de Pompadour. Les tours. Et notamment, ma spécialité, c'est la céramique, mais il y a beaucoup d'autres exposants qui ont des choses comme des bronzes, des dessins anciens, des peintures italiennes. Quand vous avez des objets comme ça, vous vous amusez à retracer leur histoire, à essayer de la retrouver, de la réécrire ? Alors oui, en effet, on essaye d'être le plus précis possible dans la provenance. Pour ma part, je consacre beaucoup de temps à faire des recherches dans les archives. Et j'ai pu identifier récemment une tasse qui a été offerte par Napoléon à la duchesse de Bassano, qui provenait d'un cabaret perdu. Donc j'ai retrouvé la trace grâce aux descriptions des archives de Sèvres. Ah ben voilà, donc là on est... C'est le gros lot de mon lot, de mon stand. On est dans la démarche historique. Merci beaucoup. Merci Maxime Charron. Le salon des jeunes antiquaires se tient donc ce week-end à l'espace Pierre Cardin à Paris. Sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Louis. Il voudrait connaître les origines de la hiérarchie militaire, en particulier celle de l'armée française. Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Louis qui nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il a 19 ans, il est étudiant en sciences politiques européennes et il aimerait connaître l'origine de la hiérarchie militaire, plus particulièrement celle de l'armée française. Alors oui Céline, c'est grade. D'abord le mot grade, vous savez que ça vient du latin gradus, hein, c'est le degré si vous voulez, c'est comme la marche de l'escalier, hein, sont les échelons si vous voulez. Tous ces grades ne sont bien sûr pas tous apparus en même temps. Ils ont évolué au fil du temps en fonction d'un certain nombre de réformes militaires. Et quand vous étudiez l'histoire des grands règnes, si je puis dire, vous vous rendez compte que cette histoire militaire, les réformes militaires, elles ont été très nombreuses et souvent d'ailleurs très, très importantes. On a oublié ça, bien sûr, parce que ça fait partie de l'histoire administrative et que c'est malheureusement le parent pauvre de notre histoire. Alors, dans l'armée de terre, d'abord, chez les officiers, le grade de capitaine remonte au XVe siècle, quand Charles VII a réorganisé les milices françaises avec la création de 15 compagnies d'ordonnance et il a donné le titre de capitaine à ceux qui commandaient. Titre qui nous venait d'Italie, hein, puis capitaine, vous voyez bien qu'on vient de Capus, hein, c'est la tête en fait. Hein, c'est le capitaine, c'est celui qui est à la tête de la compagnie comme son nom l'indique. Le lieutenant, ben c'est celui qui tient lieu de capitaine, comme son nom l'indique. C'est pareil, on dit un lieutenant comme si c'était un mot qui était comme ça de toute éternité, mais c'est celui qui tenait lieu autrefois. Ça devient un grade aux alentours de 1540. Le terme ensuite de sous-lieutenant viendra beaucoup plus tard, en 1669, au même moment d'ailleurs que le grade de lieutenant-colonel. Il faut attendre 1803 pour que le grade de colonel s'impose pour ceux qui commandent un régiment ou dirige un service de même importance en termes de responsabilité. Chez les officiers généraux, le grade de général de brigade est créé au XVIe siècle. Il ne sera rétabli qu'en 1848 par la République. Ça nous entraînerait un peu loin. Quant au titre de général de division, il est créé en 1621. À l'époque, on parlait de lieutenant général. Du reste, hein, toujours cette notion de lieutenant au XVIIe siècle. Alors dans la marine, évidemment, c'est tout à fait différent. Richelieu qui Juillet, grand maître, chef et surintendant général des mers, navigation et commerce, puis Colbert, vont organiser eux aussi les grades, avec le grade de chef d'escadre qui existe entre 1627 et 1791, date à laquelle on remplace ce grade de chef d'escadre par celui de contre-amiral. Les officiers généraux, les grades d'amiral et de vice-amiral sont très anciens, hein, puisqu'on parlait d'amiraux et d'amirautés déjà au Moyen-Âge. On s'en est rendu compte l'autre jour dans notre émission sur Jeanne de Belleville. Quant à l'armée de l'air, qui est beaucoup plus récente, l'armée de l'air n'est créée qu'en 1933. Hein, l'école de l'air, c'est 1935 seulement. Elle va calquer tous ses grades sur ceux de l'armée de terre, bien entendu.